plus jolie. À l'école du quartier, t'étais la plus gentille. Depuis qu'on s'est croisés, je pense à toi la nuit. À trop te regarder, je suis même ébloui. Vivre sans toi, je ne peux pas dormir sans toi. Je ne peux pas rêver sans toi. Je ne peux pas. Et si tu m'aimes, dis-le-moi. Je n'ai jamais donné mon amour à personne. À force de te frôler, j'ai le cœur qui frissonne. Arrête de me narguer, j'ai le moral qui déconne. À trop t'imaginer faire l'amour à ces hommes. Vivre sans toi, je ne peux pas dormir sans toi. Je ne peux pas rêver sans toi. Je ne peux pas. Et si tu m'aimes, dis-le-moi. T'es toujours pas rentré, pas de lumière chez toi. Je vis le mire cinglé, je ne pense plus qu'à toi. Envie de te toucher, te serrer dans mes bras. Vivre sans toi, je ne peux pas dormir sans toi. Je ne peux pas rêver sans toi. Je ne peux pas. Et si tu m'aimes, dis-le-moi. Je crois que trop t'aimer, je suis devenu jaloux. De te voir embrasser, les mecs ça me rend fou. Pour me faire remarquer, je suis capable de tout. Écoute-moi chanter, me mettre à tes genoux. Vivre sans toi,